Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Léa Robac, une vie à combattre pour la justice sociale. Une vie sans engagement pour vous, c'est... Ah, mais c'est pas une vie, hein? Parlons franchement, là. Une personne qui se lève le matin et qui pense seulement à elle, là, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, c'est pas une vie, ça! Léa Robac à l'émission « En toute liberté » animée par Isabelle Albert en octobre 1993. Toute sa vie, Léa Robac va se battre pour les autres, à commencer par les plus vulnérables. Militante au Parti communiste, pionnière du syndicalisme québécois, féministe puis pacifiste, elle aura été de tous les grands combats, femme de conviction et femme d'action. Jamais elle ne va cesser de marcher, de manifester pour une société plus juste. La société sera plus juste si tout le monde comprenait que ça vient pas comme ça du ciel. Tu veux avoir plus de justice? Tourne tes manches et dis « Come! » Nous allons faire un monde plus juste. C'était une femme belle, svelte, très intelligente, polyglotte, et qui était de tous les combats pour la justice. Je l'ai connue dans les dernières années 1930, alors que j'étais étudiante activiste. Et c'est à son contact, sans qu'elle me sollicite, que j'ai décidé d'être organisatrice syndicale, surtout là où il y aurait des ouvrières. Elle a eu un effet d'entraînement pour moi, sans jamais me demander de faire quoi que ce soit. C'est des gens comme Léa qui ont préparé la Révolution tranquille. La syndicaliste Madeleine Parent, au moment de la mort de Léa Robac au mois d'août 2000, et juste avant, vous entendiez Léa Robac dans une entrevue qu'elle avait accordée à Pascal Nadeau en 1999. Pour nous parler de Léa Robac, j'accueille l'historienne Sophie Doucet, qui est spécialiste de l'histoire des femmes. Sophie Doucet, bonjour. Bonjour, Jacques. On va revenir sur ce moment précis, Sophie Doucet, de la mort de Léa Robac en août 2000. À ce moment-là, la féministe et ex-députée de Québec solidaire à l'Assemblée nationale, Françoise David, a dit d'elle, et je cite, qu'elle était notre mère et notre grand-mère à toutes. Qu'a donc représenté Léa Robac dans le combat des femmes du Québec? Léa Robac, c'est une personne difficile à résumer. C'est quelqu'un, en fait, qui a traversé tout le 20e siècle. Elle est née en 1903, morte en 2000. Avec en tête une idée fixe, créer plus de justice sociale. Puis pour arriver à ça, elle a fait toutes sortes d'affaires. Elle a été organisatrice syndicale, gérante d'une librairie marxiste, organisatrice électorale, travailleuse communautaire. Elle a milité pour toutes sortes de causes, le féminisme, le pacifisme, pour les droits des Autochtones. Puis elle n'a jamais occupé de poste hiérarchique dans aucune organisation. Ça ne l'intéressait pas. Ouais. Elle, ce qu'elle voulait, c'était de travailler avec les gens ordinaires, de les aider à gagner plus de dignité puis de respect. Donc, une militante de la base, oui, vraiment. Vraiment, vraiment avec la base. Elle était motivée, je dirais, par la colère contre les injustices et par un amour sincère des êtres humains, des valeurs qui lui venaient de sa famille, une famille juive d'origine polonaise qui était cultivée et humaniste. Oui, mais parlons-en de cette famille, de son milieu d'origine. Elle naît donc en 1903, mais justement, le fait qu'elle soit la fille d'immigrants juifs polonais, est-ce que ça a un impact dans son parcours, là, cette appartenance? Qu'est-ce que ça veut dire pour elle, par exemple, l'appartenance à la culture juive? Bien, ça veut dire une enfance un peu particulière. Elle est née à Montréal, de parents fraîchement immigrés de Pologne, mais elle a passé son enfance dans le petit village, à l'époque, de Beauport, près de Québec. Son père, qui était tailleur, tenait un magasin général à Beauport. Elle vient d'une grande famille, là, ils étaient 9 enfants, elle est la deuxième. Et sa famille, la famille Robac, est la seule famille juive des environs. Les Robac parlent yiddish à la maison, ils célèbrent les fêtes juives, ce qui les rend bien différents de toutes les familles canadiennes-françaises qui les entourent. Mais en l'espace de quelques années, la famille Robac va vraiment s'intégrer au tissu social canadien-français. Elle va développer de grandes amitiés avec les Canadiens-français là-bas. Ça va la marquer. Et ben, par ailleurs, la famille est aussi victime de racisme. Parce que Bon, c'est ça, par certaines personnes, notamment des séminaristes à Beauport qui injuriaient les enfants Robach ou qui changeaient de trottoir quand ils les voyaient. Donc, tout ça là, colore là, son enfance. Et quand elle a 16 ans, sa famille quitte Beauport pour revenir à Montréal où elle décroche son premier emploi comme réceptionniste dans une teinturerie qui dessert vraiment l'élite, là, la grande élite montréalaise. Et là, elle prend conscience des énormes disparités sociales entre riches et pauvres. C'est son premier contact, en fait, avec les conditions de travail difficiles de ces ouvriers et cette disparité dont vous parlez, là, cette différence entre riches et pauvres. Oui. Là, il y a comme un déclic, je pense, chez elle, à ce moment-là. Les années 20, parce que le militantisme arrive déjà dans les années 20, mais j'allais dire, en tout cas au Québec, va arriver un peu plus tard, son engagement dans le mouvement syndical, par exemple. Mais les années 20 sont pour elle vraiment des années de formation, de formidables années de formation. Elle va, entre autres, écouter l'extrait qui suit, se retrouver à Berlin. J'allais au théâtre, j'avais des camarades, et il y avait vraiment une vie avant la purée qui est descendue sur Berlin, là, avec la venue d'Hitler. C'était une vie fantastique. On pouvait s'asseoir, prendre un café pour 40, 50 pfennigs, et passer tout un après-midi, les serveurs, c'était la plupart d'eux, c'était des serveurs, n'aient pas toujours vous demander autre chose, madame, comme en France. Non. Là, on pouvait lire tous les journaux qu'ils avaient, Morgen Zeitung, der Justizzeitung. Alors, on avait tout ça. C'était le théâtre ouvrier de Bertolt Brecht Ça, c'était merveilleux. Bertolt Brecht était un bonhomme. Il avait du talent extraordinaire et c'est lui qui a commencé à montrer le nouveau théâtre. C'est en Allemagne que vous avez décidé d'adhérer au Parti communiste. Pourtant, il y avait une foule de mouvements. Pourquoi est-ce que vous avez choisi les communistes? Bien, c'est parce que le mouvement communiste... prenez, par exemple, le Parti socialiste à Berlin, en Allemagne. C'était un mouvement de gauche, si vous voulez, mais... ces gens-là avaient de très belles paroles, faisaient rien. Puis moi, je suis une personne qui, oui, avec les paroles, faut agir. Mais eux n'agissaient pas. Sur l'air de Mac de Knife, tiré de l'opéra de Katsu de Bertolt Brecht, vous entendiez Léa Robach à l'émission d'Isabelle Albert en toute liberté en octobre 1993. Parlons-en de ces années 20, Sophie Doucet. On reviendra sur le fait que c'est intéressant ce qu'elle disait quand elle parlait de la gauche allemande. Au-delà des paroles, il faut des gestes, des actions, et c'est vraiment une militante, une femme d'action, Léa Robach. On reviendra là-dessus dans un instant, mais un petit mot quand même sur cette décennie. Assez particulière et franchement, assez formidable pour elle. Les années 20, à quoi ça ressemble les années 20? De Léa Robach. Bien, vous savez, Jacques, les années 20, c'est les années folles. Hein? C'est les années qui suivent la Première Guerre mondiale, donc des années d'une effervescence vraiment particulière sur le plan culturel. Avant d'aller en Europe, là, à 22 ans, Léa Robach se retrouve à Montréal. Elle est caissière dans un théâtre au His Majesty, sur la rue Guy, un théâtre qui reçoit des troupes européennes de ballet, d'opéra, de théâtre. Elle tombe amoureuse de la culture là-bas. Et c'est ce qui la motive à partir en Europe en 1926 à 23 ans. Avec les économies qu'elle a faites au théâtre puis à la teinturerie, elle réussit à aller étudier la littérature à l'Université de Grenoble. Donc, elle passe quelques temps en France. Puis à la fin des années 20, elle va rejoindre son frère Henri qui étudie la médecine à Berlin. Et à Berlin, bien, c'est ça, elle en a parlé un peu dans le clip qu'on vient d'entendre, le climat est très particulier. Il y a à la fois cette effervescence culturelle et la montée d'idées d'extrême droite très puissantes, le fascisme, le nazisme, qui découle de la frustration ressentie par les Allemands après la Première Guerre mondiale, puis de la misère dans laquelle la société allemande se trouve, surtout après le crash de 1929. Et là, les Juifs deviennent les boucs émissaires par excellence pour les nazis. Il y a des résidences, des commerces juifs qui sont vandalisés. La ville est couverte de graffitis anti-juifs. Et c'est dans ce climat-là qu'elle va découvrir le militantisme communiste qui s'oppose, qui veut être un rempart au fascisme. Mais sentant la soupe très, très chaude en 1932, juste avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler, elle va rentrer à Montréal là, parce que, comme communiste et comme juive, ça commence à être vraiment dangereux pour elle. Mais cette étape importante, elle l'a franchie à Berlin, d'être communiste, oui. De militer au Parti communiste. Et ça, c'est une chose. Être militante communiste dans le Berlin des années 20, c'est une chose. Être militante communiste à Montréal au début des années 30, c'en est une autre. On écoute Léa Rabach nous parler de son engagement communiste, justement, dans les années 30. Les communistes, c'était pas des diables, c'était du monde, comme vous et moi. On voulait pas changer le monde sans sous-dessous. Non. Ce qu'on voulait, de meilleures conditions pour les ouvriers. Et c'est pour ça qu'on a dit qui étaient les premiers fondateurs des syndicats. C'était les communistes. Et dans le temps, c'était pas des communistes, c'était les socialistes. Mais le syndicat était nécessaire. Il ne fallait pas toujours mettre ça sur les épaules du bon Dieu. Ou bien aller à l'église et demander, pour l'amour, un peu plus de charité. Non. Le Québec, à l'époque, c'était les années 30, c'était la pauvreté, la crise, c'était la montée de Duplessis. Il y avait aussi les fascistes d'Arcan. C'était oui, pas très, très drôle non plus. Non. Duplessis, par exemple, vous avez eu des problèmes avec oui, lui. Lui... Il n'était pas la seule, je crois bien. Il y avait les visites par la Squadre Rouge et puis tout ça, ben, des visites, on en a eu. Et une chose que je dois dire, c'était le support de la famille. Maman n'était pas communiste, ni mon père, mais ils disaient, si c'est ça que tu veux, prends tes responsabilités. Mais quand ils sont venus à la maison, maman, là, elle a été tellement indignée. Puis elle a dit, écoutez, je suis chez moi ici, vous n'avez pas le droit de venir ici chercher dans les livres. Regardez, je ne savais même pas lire. C'est vrai, j'avais des livres italiens, allemands, français, anglais, il y avait des livres juifs. Je ne savais même pas ce qu'il y avait dedans. Ils regardaient ça comme ça, là. Une couverture rouge, ça c'était communiste, alors mettez ça là. Ils nous volaient nos livres. Léa Rabach au micro de Gérard-Marie Boivin et Françoise Guénette à l'émission « Il fait toujours beau quelque part » en 1988. Et juste avant, vous entendiez à nouveau un extrait de l'émission « En toute liberté » en 1993. Donc, quand elle revient à Montréal au début des années 30, Léa Rabach, vous l'aurez compris, s'engage à fond dans la défense des idées communistes. Quelle forme ça va prendre, son engagement communiste, Sophie Doucet? Puis qu'est-ce que ça veut dire être militante au Parti communiste à cette époque, dans ce Montréal, dans ce Québec duplessiste? Bien, quand elle rentre à Montréal en 1932, elle constate d'abord qu'ici aussi, les gens pâtissent de la crise économique. Ils sont très pauvres, ils vivent dans des logements infestés de vermine, mal chauffés, travaillent dans des conditions atroces. Et ça, ça va la bouleverser profondément. Pour elle, être communiste, c'est aussi, et peut-être surtout ça, aider les gens qui en arrachent. Comme le fait à Montréal Normand Béthune, qui a joint le Parti communiste et qui soigne gratuitement les gens défavorisés. Oui. Au départ, elle va travailler au Young Women's Hebrew Association. Elle va faire quelques séjours à l'étranger, début des années 30, en URSS, à New York et en France, où elle contacte des groupes antifascistes. Et en 1935, à Montréal, elle devient gérante d'une librairie communiste, le Modern Bookstore, sur la rue Bleury, un endroit où les descentes de police sont fréquentes, surtout à partir de 1937, après que Duplessis ait promulgué la fameuse loi du cadenas, qui vise à freiner la propagande communiste. Oui. En 1935, elle est aussi organisatrice électorale de la campagne du candidat communiste Fred Rose aux élections fédérales. Et comme on l'a entendu dans l'extrait, durant les années 30 à Montréal, le fascisme et l'antisémitisme fleurissent aussi. Certains journalistes et intellectuels font écho à ces idées qui viennent d'Europe. Des commerces juifs se font vandaliser, des hommes en chemise noire arborant la croix gammée se promènent en ville. Et Léa Rabach reste brave au milieu de ses livres dans la librairie. Elle a la ferme conviction, en fait, d'être du côté de la justice. C'est un parcours, en fait, parce qu'on vous écoute avec nos yeux d'aujourd'hui, puis bon, oui, c'est un beau parcours, mais c'est complètement, pour l'époque, dans ce Québec duplessiste, le Montréal de l'époque, c'est complètement exceptionnel, là, ce qu'elle livre comme combat et l'action qu'elle mène, ça, c'est hors du commun. Sophie Doucet. Tout à fait. Oui, tout à fait. Je veux dire, c'est ce qui est intéressant avec Léa Rabach, c'est que quand on observe sa vie, on revisite, on retraverse le 20e siècle québécois d'un tout autre angle. Mm-hmm. 1937, c'est aussi une date très importante pour elle. Elle participe, Léa Robac, à ce qu'on va appeler la grève des midinettes. Les midinettes, c'est 5 000 travailleuses du secteur du vêtement à Montréal. Cette grève-là va marquer l'histoire du syndicalisme au Québec. On écoute Léa Robac en parler à l'émission « Ce n'était qu'un début » en 1974. À la mi-avril, la grève. Et nos militantes sont allées chercher les autres militantes pour leur dire « on n'entre pas travailler ». Alors moi, je me rappelle, c'était un beau jour de printemps et c'était la saison principale, on les avait pris comme ça, parce que c'était la saison de la robe. C'était la robe d'été et puis le costume du printemps. C'est une bonne saison, c'est une saison qui rapporte. Alors, les patrons étaient bien mal placés, puis on leur disait aux ouvrières que si vous voulez bien vous maintenir, cette grève-là est gagnée en criant zut. Et vraiment, elle a été gagnée avec concession, si vous voulez, à peu près dans 3 semaines. Alors, quelle importance ça va avoir, cette grève des midinettes de 1937, Sophie Doucet, et quel rôle, de fait, va y jouer Léa Robac? Bien, d'abord, il faut dire que ces travailleuses de l'industrie de la robe sont vraiment exploitées, là, extrêmement sous-payées, souvent payées à la pièce là, pour des salaires dérisoires. On leur pousse dans le dos pour qu'elles travaillent toujours plus vite. Les locaux sont... Il fait soit trop froid, soit trop chaud. Le favoritisme règne avec, par exemple, en période creuse, plus de travail pour celles qui acceptent les faveurs des patrons. Et ça, ça révolte vraiment Léa Robac. En 36, donc, l'année même de l'arrivée au pouvoir de Duplessis, Léa Robac devient l'assistante de l'organisatrice syndicale Rose Pesotta, qui a été dépêchée de New York à Montréal par un syndicat international pour syndicaliser les ouvrières de l'industrie du vêtement. Léa est l'assistante idéale parce qu'elle parle yiddish, anglais et français. Donc, elle peut rejoindre toutes les travailleuses, dont 60 % là, sont canadiennes-françaises. Cette grève de 37 marque vraiment un grand coup. D'abord, il y a des gains sur le plan des salaires puis des conditions de travail, des gains qui, on n'expliquera pas pourquoi parce qu'on n'a pas le temps, mais ils ne seront pas nécessairement durables. Mais néanmoins, ça va avoir été un événement vraiment important au cours duquel les ouvrières vont avoir pris conscience de leur pouvoir face à leur patron quand elles s'unissent, du caractère inacceptable de leurs conditions de travail et de leur droit à être respectées et traitées comme des êtres humains quand elles travaillent. Oui. Un peu plus tard, Léa Robac va se faire embaucher comme ouvrière à la RCA Victor à Saint-Henri dans le but d'installer un syndicat dans cette usine-là qui fabrique des appareils radio puis qui a de gros contrats là, pour la guerre parce qu'on est en pleine Deuxième Guerre mondiale. En travaillant à 25 cents de l'heure sur la chaîne de montage, elle va réussir à convaincre les 4 000 ouvriers et ouvrières de se créer un syndicat sans grève pour se protéger contre l'exploitation des patrons. Donc, c'est vraiment deux exemples, mais qui nous montrent l'importance qu'elle a eue sur le plan du mouvement syndical chez nous. C'est un combat qui sera donc très, très important pour elle. Il y en aura d'autres. À la fin des années 50, d'abord, on revient à son engagement communiste. Quand elle découvre, comme une bonne partie du monde, les horreurs du stalinisme, Léa Robac décide de tourner le dos à ce moment-là au communisme. Et donc, elle se trouve, elle se cherche de nouvelles causes. C'est une femme d'action qui a besoin de faire changer les choses. Ce sera quoi? Ce sera la cause pacifiste? Ce sera la lutte contre le nucléaire? Quelle forme ça va prendre, son engagement, à partir de ce moment-là? Bien, d'abord, je dirais que tout en étant organisatrice syndicale dans les années 40, elle a fait aussi du travail communautaire parce qu'elle s'est aperçue que les problèmes dans le quartier Saint-Henri où elle travaillait n'étaient pas que des problèmes à l'usine, mais c'était aussi chez les gens. Donc, elle a découvert d'autres combats. Elle a mené une campagne de sensibilisation au sujet de l'insalubrité des logements ouvriers à Saint-Henri. Elle raconte que les bébés se faisaient mordre par des rats dans leur berceau, là, tellement c'était insalubre. Elle a aidé des femmes enceintes et dans l'impossibilité de garder leur enfant à se faire avorter dans des cliniques clandestines où elles ne risquaient pas de laisser leur vie. Parce que, vous savez, Jacques, l'avortement se pratiquait quand même avant que ça devienne décriminalisé en 1988. Oui. Et donc, ça, c'est les années 40 et les années 50 aussi. À la fin des années 50, effectivement, elle décide de s'éloigner du communisme, mais elle ne va jamais renier son engagement communiste. Pour elle, ça a été... quelque chose qui a vraiment aidé les ouvriers à prendre conscience de leurs droits. Mais à ce moment-là de sa vie, elle réoriente son militantisme vers le pacifisme, surtout en se joignant à la Voix des femmes, Voice of Women, une organisation pan-canadienne qui promeut le désarmement nucléaire, la paix et la justice sociale par l'éducation. Oui. Durant les années 70 et 80, là, dans les 70 et 80 ans, tout en occupant divers petits emplois, au début en tout cas, Léa Robach continue de s'instruire en suivant à l'université les cours d'histoire de la Chine, du Vietnam, du Québec, du mouvement des Noirs. Et elle continue à militer pour les causes qui lui tiennent à cœur, comme la protection de l'environnement, la légalisation de l'avortement, le respect des femmes autochtones, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, et bien sûr contre toutes les formes de racisme, contre les Juifs, contre les Québécois, contre les Noirs, etc. Un mot sur son engagement féministe, parce que, évidemment, toute sa vie, la priorité, puis on vient de le comprendre en vous écoutant, c'est les plus démunis, ceux qui en ont le plus besoin, c'est ça. Et donc, beaucoup de ces gens qui sont dans le plus grand besoin sont des femmes. Et ça va être une trame aussi dans tout son engagement, de son combat pour le droit de vote des femmes avec Thérèse Casgrain jusqu'à sa participation à la Marche du pain et des roses en 95. C'est une constante, le féminisme. Oui, son féminisme lui vient de loin. Il lui vient d'avoir vu sa mère enchaîner les grossesses, d'avoir vu des femmes à Beauport dans son enfance être battues par leur mari ivrogne et devoir continuer à faire des enfants avec lui. Son féminisme a été motivé ensuite par ce qu'elle voyait dans les usines. Des femmes qui accouchaient puis qui devaient retourner au travail le lendemain presque, des femmes qui mouraient de s'être fait avorter par de vrais bouchers. Et de voir aussi des femmes gagner la moitié du salaire des hommes pour le même travail. Donc, pour elle, le féminisme, c'était une question de justice. Elle était très présente pour les marches du mouvement des femmes dans les années 80 et 90. Elle souhaitait vraiment que les femmes puissent avoir du contrôle sur leur corps pour en avoir sur leur destin. Ouais. Un petit mot sur, c'est pas simple, mais comment faire le grand bilan de tout ça? Quel héritage elle nous laisse? Léa Robach est intéressante par la manière libre dont elle a traversé le siècle, par son humanisme sincère, son enthousiasme, vous l'avez entendu dans les extraits, son humour et son optimisme malgré tout ce qu'elle a vu sur la nature humaine. Elle n'était pas mue par la haine, mais vraiment par l'amour des gens et le souhait que leur vie soit meilleure. C'est intéressant aussi parce qu'elle n'a jamais cherché l'ascension sociale. Elle n'a jamais été riche non plus, mais elle a eu, en tout cas, elle disait qu'elle avait eu une vie riche. Puis, elle a vraiment marqué les personnes qui l'ont connue. Là. Si vous voulez la connaître un peu plus, je vous recommande le superbe documentaire de Sophie Bissonnette, « Des lumières dans la grande noirceur » qui porte sur Léa Robach. Ouais. Elle n'a pas encore fait l'objet d'une biographie, mais elle apparaît dans quelques ouvrages dont on mettra les références sur le site de l'émission. Voilà un beau chantier pour vous, tiens, Sophie Doucet, une biographie sur Léa Robach. Sophie Doucet, historienne, spécialiste de l'histoire des femmes et de la famille, merci beaucoup. Merci à vous, Jacques. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.